Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, je tiens à lire une question qui, à la base, fait partie de notre série de cours divisée sur ma chaîne sur le thème interdit. Mais vu l'importance de la question et du profit de la réponse, j'aurais aimé en faire un bref conseil avec un léger commentaire sur les paroles de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Car c'est un point important, une chose importante, très répandue en cette époque. Malheureusement. Donc, il a été interrogé. Rahimahullah ta'ala. À la base, c'est la 112e question du livre. Yaddai ba'dun nas anna sabab takhalluf al-muslimin wa tamassukuhum bidinihim. Wa shubhatuhum fi zalika ala had za'mihim. Hiya anna al-gharb qad takhallu aw takhallu an jami' ad-diyanat wa taharraru minha wa wasalu lima wasalu ilayhi min taqaddum al-hidari. Donc la question, le début, il dit que certaines personnes prétendent que la cause du retard des musulmans, c'est leur religion, qui reste accrochée à leur religion. Et leur ambiguïté en cela, c'est que l'Occident, après s'être justement débarrassé de toutes les religions, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus de part dans la régie des choses, dans leur pays ou autre, ce qu'on appelle comme la laïcité ou ce genre de choses, que les religions sont mises en arrière, alors ils se sont libérés de leur religion, et de là, ils sont parvenus au niveau qu'ils ont atteint comme avancé dans leur civilisation, le progrès qu'ils ont atteint. قال وصيرنا نحن مع تمسكنا بديننا تابعين لهم ولا مدبوعين فكيف الجواب عن هذه الافتراءات. Donc il a dit, et quant à nous, ben malgré notre accroche à notre religion, nous sommes mis à les suivre. Et nous ne sommes pas les suiveurs. Ce sont nous qui les suivons. Alors que nous sommes accrochés à la religion. Donc quelle est la réponse à ces prétentions, ces inventions? وقال وربما أيدوا شبهتهم بما عند الغرب من الأمطار الكثيرة والزروع والخضرة فيقولون إن هذا دليلنا على صحة ما هم عليه فما رأي فضيلتكم. Et également, ils ont appuyé leur dire par d'autres ambiguïtés, comme le fait que, par exemple, en Occident, ils ont beaucoup de pluie. Ils ont beaucoup d'agriculture, ils ont beaucoup de verdure, et autres, et cela est une preuve de la véracité de leur voie. La voie sur laquelle ils sont, elle est vraie, car ils ont été gratifiés par ces choses-là en ce bas monde. فَأَجَابَ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى. Il a répondu. هَذَا الْكَلَامُ لَا يَصْدُرُ إِلَّا مِنْ ضَعِيفِ الْإِيمَانِ أَوْ مَفْقُودِ الْإِيمَانِ جَاهِلٍ بِالتَّارِيخِ. Donc il a dit, ce genre de réponse ne provient que d'une personne qui est de faible foi, ou qui n'a même pas la foi, et qui ignore l'histoire, c'est-à-dire le parcours historique, et qui ne connaît pas également les causes de secours que Allah, par lesquelles Allah secourt ses serviteurs. فالأمّة الإسلامية لما كانت متمسكة بدينها في صدر الإسلام كان العزة والتمكين والقوة والسيطرة في جميع نواحي الحياة بل أن بعض الناس يقول إن الغرب لم يستفيد ما استفاده من العلوم إلا مما تلقوه من المسلمين في صدر الإسلام. Donc il a dit, la communauté islamique, lorsqu'elle était justement accrochée à sa religion dans les airs intérieurs à ses débuts, les premières générations, elle avait justement la force, elle avait l'autorité dans tout le niveau de la vie. C'est elle qui était en avance. Même certains ont dit que l'Occident n'ont jamais autant profité comme ils ont profité de l'islam à ses débuts, quand l'islam était fort. ولكن الأمة الإسلامية تخلفت كثيرا عن دينها وابتدعت في دين الله ما ليس منه عقيدة وقولا وفعلا وحصل بذلك التأخر الكبير والتخلف الكثير. Cependant, après que cette communauté islamique se soit mise à abandonner sa religion et à innover dans la religion, ce qui n'en fait pas partie, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans le dire, dans les actes, alors ils ont subi ce retard. D'accord? Ce retard à grande échelle. وَنَحْنُ نَعْلَمُ عِلْمَ الْيَقِينِ وَنُشْهِدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّنَا لَوْ رَجَعْنَا إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ أَسْلَافُنَا فِي دِينِنَا لكانت لنا العزة والكرامة والظهور على جميع الناس. Et nous savons avec certitude, et nous prenons Allah en témoin ce que nous disons, que si jamais nous revenions sur la voie de nos prédécesseurs dans la religion, c'est-à-dire les premières générations comme les Sahaba et les Tabi'in, Atba Tabi'in, nous obtiendrons par cela la gloire et la force et l'honorabilité. Et nous aurions la supériorité sur tous les gens. وَلِهَذَا لَمَّا حَدَّثَ أَبُو سُفْيَانَ هِرَاقْلَ مَلِكَ الرُّومِ وَالرُّومِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ تُعْتَبَرْ دَوْلَةً عُظْمَى بِمَا كَانَ عَلِيَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَأَصْحَابُهُ قَالَ إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَا تَحْتَ قَدَمَيْ هَتَيْنِ. Donc lorsque Abu Sofiane, qui n'était pas encore un musulman à l'époque, était encore un mouchrik, il a rencontré Hirakl. Hirakl, c'est ce qu'on a vu qu'on appelle César. Et César, c'est un statut, ce n'est pas un prénom. D'accord ? C'est un statut. Quel était le prénom de ce César de l'époque ? Je ne sais pas. Donc lorsque Abu Sofiane a rencontré César, et César était l'empereur des Romains, et les Romains à l'époque, c'était eux le plus grand empire, le plus grand état, le plus fort, c'était eux qui avaient la suprématie à l'époque. Abu Sofiane a raconté à César qui était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien sûr, pas pour le glorifier, mais en but de le combattre. Donc il lui expliquait qui il était, qui étaient ses compagnons. Et après s'être exprimé, César lui a dit, si jamais ce que tu as dit sur lui à son sujet est vrai, et bien sûr, Abu Sofiane n'avait pas menti à ce moment-là, il avait dit la vérité sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Même il avait dit, si j'avais pas peur qu'on me traite de menteur, j'aurais menti sur lui. Mais il a dit la vérité sur lui, à toutes les questions que César lui a posées. Donc il lui a dit, César, si ce que tu m'as dit là est vrai, alors il possédera ce territoire qui est sous mes pieds là actuellement. وَلَمَّا خَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ وَأَصْحَابُهُ مِنْ عِنْدِ هِرَاقْلَ قَالَ لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ النَّبِيِّ أَوْ أَمْرُ أَبِي أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ أَبِي الْأَصْفَارِ. Donc il a dit après Abu Sufyan, une fois étant sorti de chez César, car César avait fait des confidences importantes, il avait dit, il viendrait là, je lui laverai les pieds. Et cet homme-là va conquérir. Mais il n'a pas voulu lâcher son empire. Il a fait prédominer sa dunya, mais il a cru ce qu'on lui a dit, et il a su que Mohammed s.a.w. était un prophète et un envoyé. Il l'a su. Il y a cru en cela, mais n'a pas voulu s'y soumettre. Donc Abu Sofiane, après avoir tenu ses paroles de César, il a dit en sortant qu'il a surestimé Mohammed. César a surestimé Mohammed. Et qu'il ait peur de lui. وَأَمَّا مَا حَصَلَ فِي الدُّوَلِ الْغَرْبِيَّةِ الْكَافِرَةِ الْمُلْحِدَةِ مِنَ التَّقَدُّمِ فِي صَنَاعَاتِ وَغَيْرِهَا فَإِنَّ دِينَنَا لَا يَمْنَعْ مِنْهُ لَوْ أَنَّنَا الْتَفَتْنَا إِلَيْهِ. Donc il a dit, et ce que justement ces pays occidentaux mécréants et athées ont obtenu comme développement et avancées technologiques et autres, dans la fabrication, dans les conceptions, comme vous le savez, dans l'industrie. Sachez que notre religion n'empêche pas cela. Si jamais nous en soucions un petit peu plus. Voilà qu'il m'a al-asaf, dayyana hadha wa hadha. Dayyana dinana, wa dayyana dunyana. Wa lefayna dina l'islami, la yu'arida hadha taqaddum. Il a dit cependant, nous avons tout perdu. Nous avons perdu ce côté, justement, industriel, et le côté religieux. Malheureusement. Sans quoi, la religion de l'islam n'interdit rien de cela. Le progrès. Au contraire. Bel qala Allah ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribat al-khayr, turhibuna bi aduwwallahi wa aduwwakum. Que Allah dans le Coran il dit bien, préparez-leur ce que vous pouvez comme force. Allez, préparez-leur ce que vous pouvez comme force. Comme artillerie, comme arsenal et autres. Afin de justement d'effrayer vos ennemis et ceux d'Allah Azzawajal, qui voient la force qui est en vous. Al-Anfal, le butin, verset 60. Wa qala ta'ala, Wa alladhi ja'alakum al-arda dhaloula, famshu fi manakibiha, wa kulu min rizqih. Il est celui qui vous a étendu la terre, qui vous l'a soumise, c'est-à-dire que la terre, tout ce qui s'y trouve, est à notre service, Donc, parcourez-y dans ces quatre coins de les quatre coins du monde et mangez de sa subsistance. Dans ce qui est halal. Al-Mulk, la royauté, verset 15. Wa qala ta'ala, wa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, il est celui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre. La vache, verset 29. Wa qala ta'ala, wa fil ardi qit'un mutajawirat, et qu'il y a sur terre des parcelles qui sont voisines. Le Rad, le tonnerre, verset 4. Donc ces versets pour nous dire que, à la base, tout cela n'est pas ne sont pas des choses interdites. Au contraire, l'islam y appelle. Cependant, on doit le faire selon les normes de la religion. Car aujourd'hui, les gens qui s'investissent dans ce genre de domaine, industriel, et tout ce qui est fabrication, et tout ce qui est progrès, soit ils travaillent à la salle des koufars, ou soit ils le font en cherchant à leur ressembler. Leur but n'est pas de faire avancer l'islam en soi. Leur but est de faire comme eux. Car ils sont impressionnés par ce que ces gens-là font. En oubliant ce qu'ont fait les précédents auparavant, avant eux. Malheureusement. Quand il est réel, il est comme l'ayat, il a titulé nous, il a l'an voyron, l'insan, an yaktasiba wa ya'mala wa yantafia. Lakin la la hisab al-din. Fahadi l'umam, tayyib, il a dit justement, donc ces versets incitent justement au progrès. À ce que l'être humain œuvre et travaille et s'efforce. S'efforce les causes. Cependant, cela ne doit pas être sur le compte de sa religion, comme on vient de le dire. Tu ne mets pas la religion au service de ta dunya, mais tu mets ta dunya au service de ta religion. Et là, tu en verras les fruits. Il y a des gens, par exemple, ils sont en France, ils essaient de s'accrocher à la religion, ils se disent, avec ma barbe, avec mon kamis, et ma femme avec son voile, et on n'arrive à rien. On est bloqué de partout, on ne peut rien faire. On dit déjà d'une part, le milieu, l'environnement dans lequel tu te trouves, ne t'est pas propice. À la base, tu n'as pas à être là. Tu n'es pas à ta place. Donc forcément, tu vas trouver des barrières. Ne pense pas que tu vas devenir quelqu'un qui va apporter des, on va dire, qui va révolutionner ce bas monde au milieu des koufars en étant sur la sunna. Ils vont pas te laisser faire. Bila chèque. Ils vont pas te laisser faire. C'est le dernier coup dans les caisses. Donc soit tu finiras par aller ailleurs, ou soit tu finiras par changer dans ta religion, à t'affaiblir. Mais garder cette force et obtenir cette dunya, tu n'y arriveras pas. Là-bas, comme ça. Et même si tu y arrives, il n'y aura pas de baraka. Car ils feront en sorte de faire croire aux gens que cela ne vient pas des musulmans, mais que cela vient d'eux. Ça, c'est évident. قال فهذه الأمم الكافرة هي كافرة في الأصل ديننا الذي كانت تدعيه دين باطل عفوا دينها الذي كانت تدعيه دين باطل فهو الإلحاد على حد سواء لا فرق. Donc il a dit maintenant, ces communautés mécréantes, elles sont de base mécréantes. C'est-à-dire que la religion qu'elles avaient auparavant, qu'elles prétendaient, qui sont toutes les religions sur lesquelles elles se trouvaient auparavant, qu'aujourd'hui elles mettent en arrière, à la base des religions qui étaient fausses. Donc cela revient à même pour aujourd'hui, elles sont considérées comme étant des communautés athées, qui ne croient en rien matérialiste. C'est-à-dire que le athée, d'accord, le athée et le chrétien et le juif sont au même stade, religieusement parlant, pour nous. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, « وَمَنْ يَبْتَغِيْرَ الْإِسْلَامَ دِينَ فَلَنْ يُبَلَ مِنْهُ » Celui qui recherche une autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Al-Imran, verset 85. « وَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ لَهُمْ بَعْضُ الْمَزَايَا أَلَّتِي يُخَالِفُونَ غَيْرَهَا فِيهَا لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِلْآخِرَةِ هُمْ وَغَيْرُهُمْ سَوَا » Donc il dit, maintenant les gens du livre, les Yahoud et les Nasara, ils ont des distinctions. Ils ont un rapprochement avec l'islam. Cependant, cela ne suffit pas. Et par rapport à l'au-delà, eux et les autres seront égaux, c'est-à-dire au feu de l'enfer éternellement. Ils seront mécréants. Un même et seul jugement. Après les individus, certains sont pires que d'autres, c'est vrai, mais leur jugement sera qu'ils seront du côté des mécréants. Et là, on parle de ceux qui sont venus après la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui n'ont pas accepté Mohammed. Quant à ceux qui étaient avant nous, qui ont suivi un prophète, eux sont des croyants. Ils sont des musulmans. قال ولهذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع منه من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يتبع ما جاء به إلا كان من أصحاب النار فهم من أصل كافر سواء انتسبوا إلى اليهودية أو نصرانية أم لم ينتسبوا إليها. C'est pour cela que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme on vient de le dire, a juré que nul de cette communauté, c'est-à-dire communauté des hommes, dans son intégrité, hein, qu'il soit un Yahoudi, c'est-à-dire un juif, ou un Nasrani, Nazaréen, ce qu'ils appellent chrétien, qui entendent parler de moi et ne croient pas en mon message, sans qu'ils ne soient parmi les gens de l'enfer. Donc ça veut dire qu'ils sont tous au même stade, ces gens-là. Donc, à la base, ils sont tous des koufars, tous des mécréants, qu'ils soient Yahoudi ou Nasrani, ou qu'ils soient autres que cela, ils sont tous des koufars. أما ما يحصل لهم من الأمطار وغيرها فهم يصابون بهذا ابتلاء من الله تعالى وامتحانا وتعجل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب. Et ce qu'ils obtiennent dans ces bas mondes, justement comme pluie, comme verdure et autres, tout cela c'est une épreuve pour eux et un test pour eux, et que Allah Azza wa Jal leur précipite les bonnes choses dans ce bas monde, dont ils seront privés dans l'au-delà. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Omar ibn al-Khattab, lorsque Omar ibn al-Khattab l'a vu se lever d'une sieste avec les traces de la paillasse sur laquelle il dormait sur le visage. Omar ibn al-Khattab a pleuré en le voyant, en voyant cela. Il a dit, « Ya Rasulallah, Faris wa Rome, ya'ishuna fima ya'ishun fi himn al-Na'im, wa anta ala hadha al-adi al-hal. » Il a dit, les Perses, qui étaient parmi les plus forts à l'époque, et les Romains, vivent dans les délices et les bienfaits, c'est-à-dire mondains, alors qu'ils sont qui ils sont, et toi, messager d'Allah, tu dors dans le sens par terre sur une paillasse qui t'en laisse des traces sur le visage. Il en a pleuré. Ça lui a fait mal. فَقَالَ يَا عُمَرْ هَا أُولَيْكُمُنْ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي حَيَاتِهِمْ الدُّنْيَا أَمَّا تَرْضَ أَن تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةِ. Donc il a dit, ces gens-là, leurs bienfaits leur ont été accordés dans ce bas-monde, précipités, et même c'est limité, en ce bas-monde seulement. N'agrées-tu pas donc que eux aient cette dunya, et que nous, nous ayons l'au-delà? Et là, Omar a été consolé, il a compris tout de suite. ثُمَّ إِنَّهُمْ يَأْتِهِمْ مِنَ الْكَحْتِ وَالْبَلَايَ وَالزَّلَازِلْ وَالْعَوَاصِفِ المدمرة ما هو معلوم ينشر دائما في الإذاعات وفي الصحف وفي غيرها ولكن هذا السائل أعمى وأعمى الله بصيرته لم يعرف الواقع ولم يعرف حقيقة الأمر. Il a dit, et malgré tout, ces gens-là subissent, ils subissent quoi? La sécheresse, des tremblements de terre, des cyclones, des ouragans, des tsunamis, plein de choses qui détruisent leurs biens en quantité. C'est une chose qui est propagée tout le temps à travers les médias. C'est une chose qui est connue, et dans les journaux et autres. Cependant, ce questionneur, c'est-à-dire celui qui dit ces paroles-là, dont le questionneur rapporte, c'est quelqu'un qui est aveugle, et qui a Allah aveuglé la clairvoyance, c'est-à-dire la vision du cœur, la raison, il l'a perdue. Et cette personne-là est ignorante de l'actualité, de ce qui se passe vraiment chez ces gens-là. Et c'est une réalité. Même aujourd'hui, regardez bien le Covid. Comment ça se passe, la Covid? Regardez bien. Les pays les plus touchés, ce sont ces pays-là. Plus que les pays d'islam. Énormément, et pourtant ce sont les plus développés, ceux qui ont la médecine la plus avancée, qui ont ceci et cela, ce sont les plus touchés par la maladie et les plus affectés. C'est une réalité. Yaqul, inna nasihati lahu an yatubu ila Allah azza wa jalla min hadhihi at-tasawwurat qabla an yufaji'ahu al-maut wa an yarji'a ila rabbih wa an ya'lam annahu la 'izzata lana wa la karamata wa la zuhura wa la siyada illa idha raja'na ila din al-islam ruju'an haqiqiyan. Donc il a dit, je conseille à cette personne-là qui a ce genre d'idée en tête, ce genre de pensée, qui se repente auprès d'Allah Azza wa Jal, avant que de la mort ne le vienne soudainement, qu'il meure sur ce genre de croyance. Et qu'il sache que nous n'aurons jamais de force, de puissance, ni d'adorabilité, ni d'instauration, suprématie sur terre, tant que nous ne reviendrons pas à l'islam authentique de façon concrète. Et que nos paroles sont en concordance avec nos actes et nos croyances. Et naam, est-ce que l'auteur a dit là? C'est affirmé par l'empereur d'Allah dans Azza wa Jal. قال تعالى وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ لُيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Dans le sens où Allah il dit, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. On a vu comment l'islam a conquis une grande partie du monde. Des conquêtes continuelles, en série et faciles. Pourquoi ? Car les gens qui combattaient étaient des croyants sur une croyance authentique et un islam authentique. Ils donneraient force et suprématie à leur religion qu'elle agrée pour eux. Et on l'a vu. Vous voyez, ils leur changeraient leur ancienne peur en sécurité. Car aujourd'hui, les musulmans, ils ont peur. Les koufars. Mais c'est quoi la condition? Cela a une condition. Hein? Ils m'adorent et ne m'associent rien. Et quiconque m'y croit par la suite, alors ce sont ceux-là les pervers. Donc on doit établir le tawhid. Et ce tawhid ne peut être établi que avec le suivi de la sunnah également, comme il se doit. On ne doit pas faire de shirk. Et le shirk aujourd'hui dans la umma est propagé. Les bidars sont propagés. Les péchés sont propagés. Les turpitudes sont propagées. Tout ce mal est propagé. Donc c'est cela qui est la cause de notre retard et non pas la religion. Bien au contraire. Et là, faut savoir une chose. Que en fait, ces bienfaits en ce bas monde seront des conséquences. Mais la finalité, c'est quoi? C'est de viser l'au-delà, d'établir la religion. Donc si on regarde la finalité et on tente de la concrétiser, alors on aura les conséquences en ce bas monde. Comme a dit Allah, وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى نُحَيِّنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً نُحَيِّنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Il a dit, quiconque œuvre dans le bien, comme qu'il soit croyant ou croyante, homme ou femme, nous lui ferons vivre une bonne vie. وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Par contre, celui qui s'éloigne de mon rappel, il aura une vie étroite. Et on le restera يوم القيامة en étant aveugle. Donc, viser l'au-delà permet d'obtenir le bienfait en ce bas monde. Délaisser l'au-delà amènera à des conséquences néfastes au bas monde. Et en plus, l'auteur là a parlé du côté mondain, visuel, et le côté on va dire, palpable. Sans compter le azab intérieur, le châtiment intérieur, interne que vivent ces koufars en eux, le mal-être qu'ils ont en eux. L'auteur n'en a pas parlé là, mais ça va avec, ça va de soi. Les koufars ne sont pas heureux, ce n'est pas vrai. Et pour preuve, ils sont continuellement en quête de bien-être, quitte à dépenser tout leur bien, de trouver le bien-être, de trouver le bonheur. Car sans foi, il n'y a pas de bonheur. Et je parle du bonheur absolu, pas du bonheur parcelle que des fois on peut sortir un jour de bonheur, des jours de bonheur, l'âme, un jour de joie, ça arrive. Tout comme le muslim, il y a des jours de tristesse, d'accord, des jours de peur, ça existe. Mais de façon générale, le kafir est dans le malheur et le mal-être, et le muslim est dans le bonheur et le bien-être. De façon générale, d'accord. La plus grande peur du muslim, c'est de mourir, d'aller en enfer et d'être châtié par Allah Azzawajal. Et la plus grande peur du kafir, c'est quoi? C'est la mort de façon absolue et d'être pauvre en ce bas monde. Et quant à la pauvreté et la maladie, ce genre de choses, le muslim ne les veut pas. Il fait en sorte de ne pas en être atteint. Mais si jamais ils viennent, il cherche la récompense auprès d'Allah Azzawajal et il patiente. Il sait que sa récompense en sera plus grande. Donc il est consolé, il est rassuré. Le kafir, il n'a rien du tout. Aucune consolation. Et même quand il est guéri, il ne remercie pas Allah Azawajal et recommence de plus belle le mal qu'il a fait. D'accord? Et devient ingrat. Donc là, c'est le rappel par rapport à cette réponse de l'auteur que nous ne devons pas être impressionnés par ces gens-là et que la cause de notre retard, c'est nous qui l'avons commis en délaissant la religion. Et l'avancée, le progrès, cela sont des choses désirées en religion, mais sans tomber dans quoi? Dans les transgressions. Et aujourd'hui, les pays d'islam les plus développés, ce sont ceux qui, malheureusement, ont trop tendance à vouloir imiter les mécréants. Et regardez bien, les portes au péché sont grandes ouvertes. Les portes aux transgressions sont grandes ouvertes. Malheureusement. C'est une réalité. Donc là, c'était le conseil par rapport à cette parole de l'auteur. Fabiyad al-Qadr Naktafi, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.